Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui la veste, deuxième épisode, l'élection imperdable, heureux qui comme Ulysse, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossir. Deuxième épisode donc de notre série intitulée La Veste, consacrée au feuilleton Fillon de la présidentielle de 2017. Aujourd'hui, la période qui va de la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre, autrement dit du 27 novembre 2016 jusqu'au premier article du Canard Enchaîné le 25 janvier 2017. Bien sûr, dans le cadre de cette fiction, nous retrouvons notre groupe de militants déboussolés réunis en séminaire animé par Éléonore et son assistant Enguerrand. Les médias ont beaucoup focalisé sur les révélations du canard, mais ce deuxième épisode est l'occasion de creuser les fragilités de fond du candidat Fillon en dehors des affaires. Nous reviendrons notamment sur ses choix de politique internationale concernant la Russie, la Syrie, mal compris par les électeurs, ainsi que sur les atermoiements autour de sa réforme de la sécurité sociale et de sa baisse dans les sondages, ne l'oublions pas, ce juste après la primaire. Au sein du groupe des stagiaires de notre fiction, des tensions apparaissent également concernant le rôle et l'influence que Sens Commun et la Manif pour tous ont joué dans l'entourage de François Fillon. Pour nous éclairer dans cette seconde étape de la campagne de François Fillon et les raisons de sa chute, nous recevrons après la fiction Isabelle Barret, journaliste au Canard Enchaîné. Elle est l'un des trois auteurs des révélations concernant François Fillon. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La Veste, un feuilleton de François Fillon, François Perrache. Réalisation, Cédric Ossir. Il y a un problème de probité partout. Vous avez des ministres qui ne paient pas leurs impôts, vous en avez qui ont des comptes en Suisse, vous avez 18 millions à l'UMP qui ont disparu et que personne n'a jamais retrouvé. C'est quand même des sujets qui sont le signe d'une dégradation morale, d'une dégradation de la vie publique. Et moi, ce que j'ai voulu dire, en faisant référence au général de Gaulle, oui, c'est que si j'étais président de la République, je ferais fonctionner les institutions avec un souci prioritaire, oui, d'exemplarité et de probité partout. Épisode 2. L'élection imperdable. Heureux qui comme Ulysse. Soulevez cette partie. Puis faites la même chose sur la partie arrière. Soulevez cette partie sur le côté et faites la même chose de l'autre côté à ce niveau pour faire les ailes du canard. Mais qu'est-ce que tu fous là? Allez, active là, sinon avec les bouchons on n'y sera jamais. Ouais, j'éteins juste mon ordi, on prend ta bagnole. Bah ouais, oui, je suis garée juste en face de l'agence mais sur les livraisons là. Okay. Tu peux conduire le temps que je finisse moi. Ouais. Mmh. Aide-moi à porter ça s'il te plaît. C'est hyper lourd, y a quoi là-dedans? Une idée que j'ai eue. C'est fragile, vas-y mollo. C'est pour les aider à exorciser par rapport au canard enchaîné. Alors justement, moi aussi j'ai réfléchi de mon côté. J'étais en train de regarder un tutoriel pour apprendre à faire des origamis. Et c'est quoi l'idée? Bah, l'idée ce serait de leur filer une feuille de papier sur laquelle ils marqueraient d'abord toutes leurs pulsions négatives par rapport à la défaite de Fillon. Mm-hmm. Ensuite, on plierait la feuille en forme de canard. D'où le tuto origami. Et ensuite, on irait dans le parc tous ensemble pour brûler les canards. En papier. Les canards en papier, pour exorciser. Qu'est-ce que t'en penses? Complètement con. Donc un responsable politique mis en examen ne devrait pas pouvoir se présenter à la présidence de la République. C'est le choix de chacun et moi je ne porte pas de jugement sur le passé. Mais je vous dis ce que je ferais. Moi je vous pose la question. Ben, si j'étais président de la République, oui. Oui. Je ferais en sorte que vous êtes candidat. Pas, vous seriez mis en examen. Est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serais pas candidat. Non. Non, certainement pas. Parfait. Donc qu'est-ce que vous avez retenu de la séance de la semaine dernière? Et quand je suis parti, Evelyne était en train de faire le poney. C'était pas un poney, c'était une jument. Ok, merci Laurent. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un peut nous dire ce qu'on s'est raconté vendredi dernier? Ben justement, l'exercice sur les animaux qu'on a fait dans le parc à la fin de la journée, c'était pour faire sortir notre côté primaire, parce qu'on a parlé des primaires. Mm-hmm. Exactement. Oui. Quoi d'autre? On a passé en revue toute la campagne des primaires, l'élimination de Sarkozy, puis celle de Juppé, la mauvaise campagne de Le Maire et la victoire surprise de Fillon. Enfin, la vraie surprise, c'est venu juste après, avec l'affaire du canard. Alors ça, c'est très intéressant ce que dit Marido. Marido, elle dit, l'affaire du canard, c'est arrivé juste après. Ben ouais, Fillon venait de gagner et bim, comme par hasard, ils sortent les affaires. Eh bien, pas tout à fait quand on se repasse le film au ralenti. C'est là-dessus qu'on aimerait vous faire parler un peu pour commencer la séance. Parce que vous occultez tous une partie du calendrier de la campagne. Qui peut me dire à quelle date exactement François Fillon a gagné la primaire? Facile. Le deuxième tour, c'était le 27 novembre, je m'en souviens. J'étais de permanence pour mettre à jour le site. Dimanche 27 novembre 2016, très bien. Et quand est-ce que le premier article du Canard Enchaîné est sorti? Fin janvier, je crois. Enguerrand? Mercredi 25 janvier 2017. Premier article du Canard Enchaîné sur les affaires, 25 janvier. Mmh. Presque 2 mois après la fin de la primaire. C'est une éternité en politique. 2 mois, c'est long, surtout pendant une campagne. Mais il s'est quasiment rien passé pour nous pendant ces 2 mois. Fillon, d'abord, il a pris un peu de repos. Il n'a plus donné d'interview, il n'a fait que quelques petits meetings. Et puis là-dessus, il y a eu Noël et les fêtes. Et en janvier, on a enchaîné sur la primaire de gauche. Et les dimanches 22 et 29 janvier 2017. On n'était plus du tout sous les feux des projecteurs. On attendait juste de savoir qui au PS allait se faire laminer par Fillon. C'est le petit Hamon qui s'y est collé, je l'aime bien lui. Il est nul, mais il est sympathique, le revenu universel, oh putain. Et tout à coup, le canard nous a pété à la gueule. Attendez, attendez, on va refaire la chronologie ensemble. Enguerrand, tu notes s'il te plaît? Oui. 20 novembre 2016, premier tour de la primaire de droite. 27 novembre, second tour, victoire de Fillon. Écrasante, victoire écrasante. 66%, deux fois plus que Juppé. Pauvre vieux, il est rentré chez lui bouffer des cannelés. Et donc, primo, qu'est-ce qui s'est passé juste après la victoire de Fillon? Juste après. Vous voyez pas un événement important? Qui a dû vous faire très plaisir. Bon, je vous donne un petit indice. C'était 3 jours après la primaire, le 1er décembre. Une annonce importante, non? Toujours pas? Bon, Enguerrand, tu leur fais écouter l'extrait, s'il te plaît. J'assume pleinement la responsabilité... Bah c'est quoi ça? Ah, merde. Remarque, ça fait toujours plaisir à aller en temps. Ouais. Pardon, non, je me suis gouré, j'étais dans le dossier pour le séminaire du PS. Donc voilà, ça c'est la bonne vidéo, désolé. Hérite du pouvoir. Ma lucidité, ni sur moi-même, ni sur la situation. Car je dois agir. Et aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. De mon mandat. Voilà, ça c'est François Hollande le 1er décembre 2016, juste après la victoire de Fillon. Et ben voilà, c'est la dernière bonne nouvelle de la campagne. Et ensuite, ben, y a eu 2017. Ouais, mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois de décembre? Vous vous souvenez? Décembre 2016, ça me semble tellement loin tout ça. Ce dont j'aimerais vous faire prendre conscience, c'est qu'on focalise sur les affaires à partir de fin janvier, mais le candidat Fillon avait basculé dans l'opinion bien avant. Ouais, si je peux me permettre de parler dans le sens d'Éléonore, Ipsos sort un sondage dès le 19 janvier qui fait passer pour la première fois Marine Le Pen devant François Fillon pour la présidentielle. Une semaine avant les révélations du canard, donc. Mais en fait, dès la fin du mois de décembre, les chiffres sont mauvais pour Fillon. Par exemple, mi-décembre 2016, à peine 15 jours après la primaire, le JDD publie un sondage où 55% des Français pensent que Fillon va gagner la présidentielle, mais seulement 28% disent qu'ils le souhaitent. Les sondages, pour ce que ça vaut. Honnêtement, même sur le terrain, on sentait bien qu'il n'y avait pas un gros enthousiasme autour de lui. Enfin, de manière générale, l'enthousiasme, c'est pas ce qui caractérise le mieux Fillon. On a été victime du syndrome Balladur. Comme en 94, pareil. 5 mois avant l'élection, on était tous certains qu'il allait gagner, et patatras. C'est ça. Entre son élection de novembre et fin décembre, Fillon y perd déjà une dizaine de points dans l'opinion. Au profit notamment d'Emmanuel Macron, qui commence à émerger nettement à ce moment-là. Bah celui-là non plus, on l'avait pas vu venir. Et fin décembre, ça donne 61% des Français qui ne veulent pas de François Fillon comme président. On voit bien donc qu'il y a un rejet de Fillon dès décembre 2016. Mmh. Alors, comment vous expliquez cette victoire très nette à la primaire et en même temps son rejet dans l'opinion ? Si on pouvait éviter les « en même temps », non, ça me donne de l'urticaire. Fillon, il ne pouvait pas passer dans l'opinion. Il a trop droitisé son programme. Tout le parti était derrière François, bon gré mal gré, mais il n'arrivait pas à rassembler au-delà. C'est intéressant. Pourquoi ? Il n'y avait plus de place au centre. Je comprends pas bien. Moi, je comprends ce que dit Marido. La stratégie classique d'élection, c'est un positionnement très à droite pour la primaire pour conquérir le parti. Ce que Sarkozy avait très bien compris. Et deux, après la primaire, un recentrage pour élargir l'assiette électorale. Exemple classique, Chirac qui passe de facho Chirac avec le brilodeur en 91 à la fracture sociale en 95. Il faut avoir les adducteurs souples dans ce métier. Et c'est la même logique pour le PS. Ils se font élire, du moins ils essayent, sur un programme de gauche. Et il gouverne au centre, voire à droite. Et pourquoi ça n'a pas marché, cette stratégie de recentrage pour Fillon ? Macron. Emmanuel Macron a pris toute la place au centre. C'est pour ça que Wauquiez l'a tout compris. Il n'y a plus de place au centre. Au moins aussi longtemps qu'on aura le gamin à l'Élysée. Hein. Macron, il occupe toute la place. Et nous, avec Fillon, on a fait un vote de petits bourgeois. Maintenant, il faut reconquérir le peuple. Reconquérir le peuple. Mais à quel prix ? Ah oui, c'est vrai, à Paris, le peuple, ça vous emmerde. On veut bien être élu, mais pour ça, malheureusement, il faut des électeurs. Bon, attendez. Et pourquoi il n'a même pas tenté ce recentrage, Fillon ? Fin décembre 2016, c'était pas encore écrit que Macron allait prendre toute la place. Moi, je sais ce qui nous a plantés. La sécu. Ça oui, ça a été la grosse connerie de Fillon pendant sa campagne. La sécu La sécurité sociale, le tiers payant, tout ça. Je peux en parler parce qu'on surveillait les réseaux sociaux. Pendant la primaire, dans les commentaires et les mails, les adhérents, ils parlaient presque jamais du programme. Ils voulaient juste élire un bonhomme. Mais quand Fillon a gagné, ils ont tous commencé à lire son programme. Idem pour les journalistes. Et ça a été le début des emmerdes. On s'est tapé polémique sur polémique autour de Fillon. Et sur des questions de fond. Ça a commencé avec ses positions incompréhensibles sur la Russie. Ah oui, c'était imbitable ça. Il prenait un rapprochement avec Poutine sur la crise ukrainienne et en Syrie. Les Français, ils comprenaient rien. C'est ça, continue à prendre les électeurs pour des imbéciles, monsieur le député. Non mais franchement, Evelyne, arrête la démagogie. Hein. Tu vas pas nous dire que sur le marché de Cagnes-sur-Mer, les militants, ils te parlent de Kiev et de Bachar el-Assad. Non, moi je suis d'accord avec Laurent. Hein. La vision internationale de Fillon, c'était illisible. C'est quand même emmerdant quand tu veux devenir président de la République. Bon, et à part la Russie, c'était quoi les autres polémiques ? Mais pas que des polémiques ! Des trucs de fond, je te dis, qui passaient pas. Tout son discours perd la rigueur. Coupe dans la fonction publique, suppression des 500 000 fonctionnaires. Ah oui, mais ça, c'est notre ADN, on va pas changer. Hein. Mais chez Fillon, les fonctionnaires et la dette, c'est une vraie obsession. Alors, on n'est peut-être pas obligé d'associer automatiquement fonctionnaires et dettes. Chez François Fillon, les économies budgétaires et les réformes, ce sont les choses auxquelles il croit vraiment. Il veut réformer le pays. Le truc dont il est le plus fier, c'est sa réforme des retraites. Ah oui, c'est construit entièrement là-dessus. La rigueur. La rigueur et la probité. Alors, à ce propos, Enguerrand nous a retrouvé un petit extrait très instructif sur cette question de l'image de rigueur que François Fillon veut se donner. Enguerrand, tu peux... Sa déclaration de 2007, s'il te plaît. C'est une déclaration très célèbre de Fillon qui remonte à plus de 10 ans. Vous l'avez forcément entendu. J'ai. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Merci Enguerrand. Alors, est-ce que vous remarquez quelque chose dans la façon de formuler de François Fillon ? Sur la forme du discours ? La répétition. Je suis à la tête d'un État, je suis à la tête d'un État. Exactement, la répétition. Pour marteler. C'est la fameuse anaphore qui, depuis, a fait florès. Moi, président de la République. Et sur le fond du discours ? Vous diriez que ça traduit quoi de la personnalité de Fillon ? L'obstination, la volonté. Il dit ça peut pas durer. Et c'est vrai, il a raison, ça peut pas durer. C'est là où moi je suis pas d'accord. Il y a un écart énorme entre son discours et ses pratiques. Parce que Fillon, derrière son discours de rigueur, c'est Monsieur Déficit. Oh non, putain. Mais on va pas se mentir, en 2008, la crise des subprimes, ça a coûté un bras au budget de l'État. C'est bien Fillon qui était Premier ministre, ça non ? Ça a coûté un bras, il valait mieux couper un bras que toute la tête. T'aurais voulu quoi ? Une sortie de l'euro ? Laisser couler les banques ? Non, mais c'est vrai qu'on a encore nationalisé les déficits de banques privées. De toute façon, à la fin, c'est toujours les Français qui passent à la caisse. Alors, pour info, avant la crise des subprimes, la moyenne des déficits, c'était entre 30 et 40 milliards par an. Et entre 2009 et 2010, sous le gouvernement Fillon, donc, deux années de suite, on est passé à 145 milliards par an. 290 milliards ! Oui, enfin, tout de même, sur les chiffres, on pourrait discuter. On va pas chipoter. En gros, Fillon, en deux ans, il fait 10 ans de déficit. Le type qui avait dit « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Et d'ailleurs, il n'a plus jamais redit après. C'est sûr qu'après la crise de 2008, il était mal placé pour gueuler contre les déficits. Hein. Pour monter au mât, il faut avoir le cul propre. C'est bien ce que je dis. C'est là où je dis que ce qui nous a plantés pendant la campagne, c'est la sécu. Parce que Fillon, il se donne une image de rigueur, mais il tient pas, il est pas consistant. Le problème, c'était pas tant que le programme budgétaire de Fillon, c'était une purge, après tout, on est droite, merde. Le problème, c'est qu'il a pas arrêté de rétropédaler. Mais pas du tout. Enfin, tu rigoles. Sur la réforme de la sécurité sociale, Fillon, il a changé 5 fois de position en 3 semaines. Je le sais, parce que la webmaster de son site, c'est une copine, elle devenait folle. Elle savait plus quoi publier ou enlever du site. Ça changeait tous les jours. Mais ça, sur Internet, vous voulez toujours aller plus vite que la musique. Au final, on publie n'importe quoi avant même d'avoir validé. Il faut être moderne, il faut être sur Facebook, Twitter, Instagram. On dit tout et son contraire. Gramme. Quoi, gramme ? Non, laisse tomber, c'est un peu technique. J'y connais rien, tous ces machins. Déjà, avec les fax, j'étais perdue. Avant Internet, on n'avait pas tous ces problèmes pendant les campagnes. Le candidat pouvait dire blanc le matin à Brest, noir l'après-midi à Nice et gris le soir à la télé à Paris, ça lui chantait. Maintenant, tout est enregistré, visionné, commenté, partagé. Bon, Marido, on va pas revenir au Minitel et à la bougie. Et le problème, c'est pas la com, c'est pas le web. Le problème, c'est que quand Fillon a annoncé son projet de réforme à la sécu, ils lui sont tous tombés dessus à bras raccourcis, même au parti, ça a tangué. Forcément, la sécurité sociale, c'est aussi un totem gaulliste qui date de 45. Alors quand Fillon a commencé à dire que la sécu prendrait en charge uniquement les maladies graves et que le privé s'occuperait du reste... Il a jamais dit ça. Si, j'ai vérifié. C'était en toutes lettres dans son programme initial. Il a même parlé de bobologie. Et ensuite, face au tollé, il a commencé à rétro-pédaler. À pédaler dans la semoule, plutôt. Il a carrément rétro-pédalé dans la semoule. Il a commencé à parler d'audit des comptes sociaux, de concertation, de nomination d'experts. Oui, bah, l'enfumage habituel. Faut bien répondre aux journalistes. Hein. Si vous croyez que c'est marrant, on est bombardé de questions, on est filmé, faut pas se planter sur le moindre chiffre. Enfin, moralité, ma pote webmaster me disait qu'ils ont dû retirer du site la proposition de Fillon sur les remboursements de santé qui faisait une différence entre gros risque et petit risque. Mais sauf qu'évidemment, des petits malins s'en sont aperçus. Et là, c'était mort. Et je me souviens même de la date exacte où la campagne Fillon a basculé. On n'avait pas encore digéré les huîtres et le foie gras, c'était le 3 janvier sur TF1. Oh, du foie gras, toi. Horrible cette interview. Et pour la première fois dans la campagne, je me suis dit, ce con, il va nous faire perdre. Mais pourquoi il a pas fermé sa gueule? T'en se demande. Je sais comment elle s'appelait, sa communicante, déjà, là. Anne Méo. On l'appelait la surchargée de com' de Fillon. C'est sûr qu'à partir de février, avec les articles du Canard, elle a eu de quoi faire. Mais cette interview début janvier, je sais pas si c'est son idée à elle, mais c'était une grosse connerie. Hein. Après sa victoire aux primaires, Fillon parle pas pendant un mois, et soudain, il vient raconter n'importe quoi sur TF1. T'as ça en stock, hein, Enguerrand ? Ouais, je te retrouve ça tout de suite. Et je m'en souviens, Fillon arrive sur le plateau avec sa gueule de premier communiant et Boulot lui est rentré dans l'art direct, sur la sécu, justement. Ça y est. Bonsoir, François Fillon. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Fin novembre, lorsque vous êtes sorti vainqueur de la primaire de la droite et du centre, vous aviez dit que votre programme était écrit, qu'il était chiffré, qu'il était précis, qu'il ne changerait pas. Et on s'aperçoit, aujourd'hui, qu'il a changé. Votre regarde la gueule de Fillon qui se décompose. Exactement le même que celui de la primaire. Concernant la santé, par exemple, vous vouliez réserver la sécurité sociale aux affections graves et renvoyer ce que vous appelez la bobologie aux mutuelles. Est-ce que vous avez changé d'avis sur... Tiens, stop, Enguerrand. Qu'est-ce que vous pensez de la question de Gilles Boulot ? Bah, primo, il part du constat que le programme a changé, c'est dégueulasse. Et autre chose dans la fin de la question du journaliste ? Non ? Écoutez bien comment il pose la question à Fillon. Enguerrand, tu peux remettre la fin, s'il te plaît ? Ouais. Votre programme pour la présidentielle ne sera pas exactement le même que celui de la primaire. Concernant la santé, par exemple, vous vouliez réserver la sécurité sociale aux affections graves et renvoyer ce que vous appelez la bobologie aux mutuelles. Est-ce que vous avez changé d'avis sur ce point ? Ah ouais, j'avais pas entendu la première fois, mais Boulot, il dit « concernant la santé, par exemple ». Bingo, bien vu, Afida. Par exemple, ce qui laisse entendre que Fillon a varié sur beaucoup d'autres sujets. Exactement. Fumier. Et Fillon se fait cuire complètement, comme un bleu, il s'emberlificote. Ouais, et il sort la fameuse phrase, alors je vous l'ai mise juste après. Je suis gaulliste, et sur quoi je suis chrétien. Ça veut dire que je ne prendrai jamais une décision qui sera contraire au respect de la dignité humaine, au respect de la personne humaine, au respect de la solidarité. Il est pénible avec De Gaulle à toutes les sauces, hein. Il a le dos large, le général. Et là, en une phrase, on a compris que la manif pour tous avait pris le contrôle. On dit sens commun, pas manif pour tous. C'est pareil, ils ont juste repeint la vitrine. C'est à ce moment-là que je me suis dit, il va nous faire perdre. Au lieu de se recentrer, il choisit un positionnement gaulliste chrétien et s'ancre dans un truc néo-thatchérien populiste. Bien sûr, toi le positionnement chrétien. Quoi ? Moi le positionnement chrétien ? Ben... C'est quoi ton problème ? Ah mais j'ai pas de problème, moi. C'est vous qui êtes pas à l'aise avec le côté chrétien. Moi, ça m'allait très bien. Laisse tomber, Afida. C'est juste que dans le sud-est, depuis Hortefeux, ils ont du mal avec les Auvergnats. Et à Paris, vous avez pas du mal avec le peuple, chacun ses phobies. Vous parlez déjà de populisme pour Fillon. Alors maintenant, vous dites la même chose de Wauquiez. Mais Wauquiez, il est populiste. Non, il s'occupe du peuple. Nuance. Bon, populiste ou pas, vous êtes pas tous d'accord, mais chrétien, c'est Fillon lui-même qui se définit comme ça. Mais moi, j'ai pas de problème hein, avec les chrétiens, sauf quand ils s'assoient sur la loi de 1905 ou qu'ils défilent en serre-tête et barbour en criant les pédés au bûcher. Ça y est, la caricature. Et en matière de laïcité, on n'a pas de leçons à recevoir. Hein. Surtout de gens comme toi. Non, mais c'est vraiment le camembert qui dit « Oh, que fort, ta gueule, tu pues !» Attends, c'est qui, des gens comme moi? Bon, excuse-moi, Afida, mais moi aussi, j'ai défilé. Ah, d'accord. Et j'ai pas de serre-tête, et j'ai pas crié de slogans haineux, et j'aime les homosexuels. Christine Boutin sort de ce corps. Oui, j'aime les homosexuels qui sont dans une grande souffrance. Pourquoi tu soupires? Parfaitement. Mais on a le droit d'avoir des convictions, quand même. J'aime les homosexuels. Stop! Stop, là, on s'arrête. On parlera du rôle de la manif pour tous un peu plus tard. On dit sens commun. Bien. Visiblement, on n'arrivera pas à vous mettre tous d'accord ni là-dessus, ni sur la question du populisme. Mais néo-thatchérien. Afida a dit néo-thatchérien pour qualifier le programme de Fillon. Ça vous va? Oui. Super. Je savais qu'on pourrait trouver un consensus. C'est très bien que les tensions puissent s'exprimer là, il y a un vrai échange. Bon, je vous propose une petite pause. Enguerrand et moi, on a besoin de quelques minutes pour vous préparer une petite surprise pour la fin de journée. Il change le code à chaque séminaire. Ce mois-ci, c'est 09-11-70. C'est le jour où De Gaulle a fait sa rupture d'anévrisme. Balle tragique à Colombey. 09-11-70. J'étais jamais venu ici, c'est impressionnant. Ils ont aménagé spécialement cette pièce pour le séminaire du PS. On y passait au moins une heure par jour. Et c'est quoi ça? Quoi? La tache là sur le mur, c'est du... Ouais, ils ont pas eu le temps de nettoyer. Il y en a toujours un qui se blesse, ça arrive parfois, quand les stagiaires sont trop violents. Tiens, vas-y, pose le sac là. Ouais. On va installer ça vite fait. Alors tu les répartis un peu partout sur le sol. Ok. Sur les étagères aussi. Ouais. Non, pas trop près les uns des autres. Oh bah, il est joli celui-là, c'est dommage de l'abîmer. Bon, tu joueras plus tard, dépêchons-nous de finir ça. Faut qu'on profite du fait que la tension soit montée pour les pousser à libérer leur colère. Tu veux quoi, c'est ma tournée? Rien, merci, il est dégueulasse leur café. Et on est bien assez énervé comme ça. On n'est pas censé fumer à l'intérieur, Laurent. On va pas me casser les bonbons si j'ai envie de m'en griller une. Immunité parlementaire. Afida, au lieu de me faire la gueule, tu veux quoi? Je fais pas la gueule. Si, tu fais la gueule. Café long sans sucre, s'il te plaît. Merci. C'est quoi le programme après la pause? Le premier article du Canard enchaîné. Ah, je paierais cher pour savoir la gueule qu'a fait Fillon quand il a découvert l'article. Non mais je me demande comment il a réagi. Rien. Il a rien dit. Oh, tu crois? Tiens, Afida. Je sais, J'y étais. Le mardi 24 janvier après-midi, j'y étais, au QG de campagne de François Fillon-Rougillot. J'étais passé voir Gilles Boyer, le trésorier. Il m'avait demandé si je pouvais lui donner discrètement quelques noms de prestataires et des exemples de devis pour l'organisation des réunions publiques. Comme c'est ma spécialité, je l'ai fait pour Fillon, mais je l'avais fait aussi pour l'équipe de Sarkozy et celle de Juppé. Question de loyauté. Ce jour-là, chez François Fillon, l'ambiance était extrêmement détendue. Je me rappelle... Il y avait même 4 jeunes militants qui jouaient au ping-pong sur une table qu'ils avaient bricolée en rapprochant leur bureau. Et à 15h, je m'en souviens bien, à 15h précises, pendant qu'on travaillait dans son bureau, Boyer, que je devais fatiguer un peu avec tous mes chiffres, a consulté le site web, je ne sais plus lequel, et il est tombé sur l'annonce du Canard enchaîné qui allait sortir le lendemain. Il a couru immédiatement dans le bureau de Myriam Lévy. Myriam Lévy, elle travaille avec Anne Méo sur la communication. Myriam lui a dit mot pour mot, je savais bien que ça finirait par sortir. Donc, elle savait déjà, apparemment. Mais le plus étonnant, c'est qu'elle a filé directement dans le bureau de Stefanini, qui, lui, est tombé de l'armoire. Non, mais il paraît que Fillon était au courant depuis décembre que des affaires risquaient de sortir à propos de sa femme. Mais il n'a rien dit à Sandirkam. C'est dingue. Et alors? et Stefanini a couru dans le bureau de Fillon. Ce qu'ils se sont dit, je n'en ai aucune idée, mais Stefanini est ressorti blanc comme un linge. Fillon a été imperturbable, il n'a rien changé à son agenda. On a même tous été invités à manger la galette des rois ce jour-là, comme si de rien n'était. Non. J'étais assise en face de Thierry Solaire, qui était encore porte-parole de la campagne à l'époque. C'est lui qui a tiré la fève et... Non, vous ne me croirez jamais. Quoi ? La fève, c'était un chat noir. Oh. Allez-y, entrez. Voilà, alors c'est la petite surprise de fin de journée dont on vous avait parlé. Ici, on est dans ce qu'on appelle la Fury Room du centre. C'est une pièce capitonnée qu'on a fait construire il y a quelques années, où vous allez pouvoir évacuer toute la pression. Donc, pour commencer, on va vous équiper chacun avec un casque, des gants et un masque de protection. Voilà. Ici, derrière vous, dans le râtelier, vous avez les armes de votre choix. Alors, vous voyez, batte de baseball, marteau, pioche et même une hache. Attention, ça coupe. Et comme vous le voyez, on a installé un peu partout dans la pièce plusieurs dizaines de canards de toutes tailles, en différents matériaux, en plastique, en verre, en porcelaine, en bois. Et donc, l'idée, ça va être de vous déstresser, de vous défouler en cassant absolument tout ce que vous voulez. Oh, c'est dommage de l'abîmer, celui-là, il est joli. Ah bah c'est dingue, j'ai dit exactement le... Mais on a aussi trouvé une pile de vieux canards enchaînés, si tu préfères déchiqueter un peu. Ouais, je veux bien, merci. Donc lâchez-vous, n'hésitez pas à pousser des cris, évidemment. Les insultes, on peut ? Mais oui, bien sûr, faites-vous plaisir. Et rassurez-vous, après, tous les objets cassés sont recyclés. Hein. C'est un séminaire éco-responsable. Alors, vous passez un par un, évidemment, pour ne pas vous blesser. Mais il y a une petite baie vitrée blindée pour que les autres puissent observer de l'extérieur. Parce que rien que de regarder, ça soulage déjà beaucoup. Alors, qui veut commencer ? Moi, j'adore l'idée. Bon, je prends la hache. Et dis-moi que je rêve de décapiter un canard. On va te venger, François. On va leur en faire en baver à ces salauds de canards. La loi du talion. Œil pour œil, dame pour dame. Ah oui, mais je crois que ça a pas dedans, un canard. En tout cas, on va se faire plaisir. Si c'est pas trop demandé, en plus des canards, vous n'auriez pas aussi un portrait de Macron ? Veste de François Perrache. Épisode 2. Avec Émilie Chertier, François Perrache, David Sigicelli, Nicole Doguet, Ayam Zetoun, Elsa Bouchin, Michael Delis et Ariane Brousse. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset et Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Cédric Ossier. Naturally the dying man wonders to himself. His commentary been more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide. Idiots, dilettantes, and fools on his watch while he was alive. Lord, just a little more time. Oh, in no time. Dying man, once I'm in the box, just think of all the overrated hacks running amok, and all of the pretentious, ignorant voices that will go unchecked, the homophobes, hipsters, and 1%, the false feminists he'd managed to detect. Oh, who will take them once he's final breath, but first checks his news feed to see what he's about to miss. And it occurs to him a little late in the game, we leave as clueless as we came, from the rented heavens to the shadows in the cave. We'll all be wrong someday. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui La Veste, deuxième épisode, l'élection imperdable, heureux qui comme Ulysse, notre invitée Isabelle Barret, journaliste au Canard Enchaîné. Bonjour Isabelle Barret. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous apporter votre éclairage dans le cadre de cette fiction autour de la campagne de François Fillon, deuxième épisode donc. Alors vous êtes journaliste au Canard Enchaîné, vous avez donc suivi non pas la campagne de François Fillon, mais ce qui a été autour, puisque avec deux autres journalistes du Canard Enchaîné, on a pu vous lire, hein, vous avez signé certaines des révélations. Votre journal a donc sorti des informations essentielles sur ce candidat des Républicains, et puis le travail d'assistance parlementaire de son épouse et de ses enfants, des révélations bien sûr qui ont contribué à faire chuter François Fillon. Comment ces informations ont pu être sorties, vérifiées, quel était le travail d'investigation, et bien sûr, je ne vous demanderai pas de révéler vos sources, mais quelle était la méthode? La méthode, c'est au moment où François Fillon gagne les primaires, alors qu'on l'a pas vraiment vu venir, puisque finalement Alain Juppé était donné gagnant pendant longtemps. On a fait avec François Fillon ce qu'on fait avec tous les candidats au présidentiel lors des campagnes présidentielles, c'est-à-dire on reprend un petit peu tout depuis le début pour essayer un petit peu de fouiller notamment des aspects de sa vie qu'on n'aurait peut-être pas encore bien regardé, notamment ce qui est un peu nouveau. Par exemple, depuis sa sortie de Matignon, on s'était assez peu intéressé à lui. Donc on a regardé, on s'est intéressé à son patrimoine, on s'est intéressé à son activité de consultant qui était assez méconnue. On s'est intéressé à ses faces un peu discrètes, voire caché finalement. Et on est parti d'éléments qui n'existaient pas au moment où il était à Matignon, qui sont notamment ses déclarations de patrimoine qu'il avait dû publier en 2014 suite à l'affaire Cahuzac, comme tous les parlementaires. Absolument. Et à partir de ce moment-là, on a tiré plusieurs fils, notamment le fil concernant Pénélope, puisque dans ses déclarations, il devait faire mention de l'emploi de sa femme. Et donc, il a mentionné qu'elle était collaboratrice à la Revue des Deux Mondes, ce qu'on ignorait totalement, puisque comme tout le monde, on pensait qu'elle était mère au foyer. Et ça a été le premier fil que l'on a tiré. Et à partir de là, on s'est dit que Pénélope, finalement, était un personnage qu'on avait assez peu étudié. Et on s'est intéressé à elle. Voilà comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez fait le même travail pour tous les candidats à la présidentielle ? Oui, on avait consacré des enquêtes à Macron bien avant ça, parce qu'il s'était déclaré plus tôt, sur son ISF notamment. On a fait beaucoup de papiers sur Marine Le Pen et ses affaires, ses différentes affaires. On l'avait fait en 2007 et en 2012 pour les autres candidats. En 2007, quand Nicolas Sarkozy se présente, il a déjà été plusieurs fois ministre. On a eu l'occasion déjà de s'intéresser à lui. Mais puisqu'il se présente à la présidentielle, il faut un peu effectivement s'intéresser davantage au personnage. Et on fait toute une page, une série d'articles sur son appartement de l'île de la Jatte à Neuilly. On fait pareil pour Ségolène Royal, à laquelle on consacre toute une page sur l'estimation de son ISF. Enfin, c'est une tradition, en réalité. Alors, Isabelle Barré, il n'y a pas eu de complot de la part du Canard Enchaîné contre François Fillon. Il n'y avait pas une volonté de faire tomber ce candidat. Et d'ailleurs, quand on vous demande ça, la réponse, c'est donc oui, on a fait ça pour tout le monde. Il n'y avait pas de volonté Bien de faire sûr. Tomber un plus que l'autre. Il n'a pas subi un traitement de faveur particulier de la part du Canard Enchaîné. Il a fait l'objet d'une enquête qui, au départ d'ailleurs, partait un peu tous azimuts. Il a bien vu la progression. On l'interrogeait régulièrement. Le premier article concernant a concerné son activité de consultant. Ensuite, on a fait un article sur son château. Et on s'est rapproché un peu de l'emploi de Pénélope. Au début, sans savoir d'ailleurs qu'on allait trouver quelque chose de plus que cet emploi. Voilà, on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait à en dire. Mais en tout cas, il a su qu'on s'y intéressait. Et il a sans doute pas assez mesuré l'impact à venir de nos enquêtes. Mais en tout cas, on a fait avec lui ce qu'on faisait avec tous les candidats sans du tout savoir, au départ, ce qu'on allait trouver. François Fillon a affirmé n'avoir jamais été interrogé personnellement sur les revenus de sa femme avant de découvrir l'article du Canard, publié le fin janvier. C'est vrai, vous l'avez appelé, comment ça s'est passé ? Si, on l'a contacté sur les revenus de sa femme la veille, l'avant-veille plus exactement, le lundi 23 janvier. On l'interroge de différentes façons, par mail, par SMS, par appel, par courrier même, par porteur. à la fois à son QG de campagne, à la société de communication qui s'occupait de sa communication, à son domicile personnel. On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait pour le contacter ce jour-là. Et la réponse qui nous a été apportée par Myriam Lévy, qui s'occupait de la communication d'Image 7, le lundi soir à 19h16, si je me rappelle bien, par un SMS, c'était « il n'y aura pas de réponse à vos questions ». Voilà, et là on était donc le lundi soir, le 23, et le Canard sort le mercredi 25, on est bien d'accord. Tout à fait. On est donc à l'avant-veille. Alors aujourd'hui, le Canard Enchaîné et ses journalistes restent dans cette histoire présidentielle et resteront dans l'histoire, même s'ils n'ont pas été les seuls journalistes qui se sont occupés de François Fillon. Le Canard Enchaîné restera dans l'histoire, le journal qui a fait tomber un candidat pour qui l'élection était apparemment imperdable. Comment le vivez-vous ? C'est un titre de gloire ou en même temps vous vous dites, Sacha, quand même, on n'est pas les grands méchants loups. Non, c'est pas notre rôle de faire ou de défaire des campagnes. Voilà. Notre rôle, c'est d'enquêter et après, ce qu'on trouve, ça nous échappe. Dire qu'on a fait ou défait l'élection d'ailleurs de François Fillon, on pouvait pas le savoir au départ. Bon, d'abord, on savait pas qu'on allait trouver ça, mais même quand on le trouve, l'impact, on ne le maîtrise pas. C'est-à-dire que tout dépend ensuite de la façon dont la personne mise en cause va réagir, gérer cette crise aussi. Vraiment, vous ne maîtrisez pas. Attendez, vous êtes journaliste, vous savez quand même que si des informations autour de revenus qui ne sont pas nettes ou concernant des déclarations, peut-être même des faux, des emplois fictifs, vous savez très bien qu'au cœur d'une campagne présidentielle, concernant l'un des candidats favoris, ça va être une bombe. Non, non, mais on ne sous-estime pas du tout l'impact. Ah oui. Après dire, est-ce que à partir de là, il était écrit qu'il allait perdre ? Bon, il restait encore, je pense, une petite marge de manœuvre pour lui. Et je pense que, par exemple, l'affaire des costumes que le Canard n'a pas sorti a vraiment enfoncé le clou, parmi d'autres, voyez. Donc, on sait très bien, on ne sous-estime pas l'impact et on mesure ce qu'on écrit avant de l'écrire. Maintenant, une fois qu'on a trouvé des éléments comme ça, on ne peut pas les cacher sous prétexte qu'on est Dieu et qu'on va et qu'on va décider que les Français n'ont pas à savoir certaines choses que l'on sait. Donc voilà, on n'a plus le choix et on l'écrit. Ensuite, notre rôle à nous, c'est juste de vérifier tout ça le plus rigoureusement possible. Maintenant, je vous pose la question, pas à l'envers, mais par une autre porte. Est-ce que c'est une victoire de la démocratie et de la liberté de la presse ? De la liberté de la presse, certainement. La démocratie, je ne sais pas. En tout cas, il faut pouvoir écrire ces choses-là. Si on ne pouvait pas écrire ça, effectivement, ce serait très inquiétant. Je pense que on a pu écrire ça aussi parce qu'on a pu trouver ça. On a pu trouver ça parce qu'il y avait certaines obligations de transparence qui étaient assez nouvelles et que voilà, ces obligations de transparence, on voit qu'elles ne sont pas inutiles. Isabelle Barret, comment ont réagi vos lecteurs ? Ils ont réagi de manière numériquement bien supérieure à la normale. C'est-à-dire qu'on a eu des records de courriers, de mails, des milliers. Des milliers, des milliers. Qui allait dans quel sens ? Alors, on a fait une statistique. Oui. Pour vous aider. La moitié, à peu près, était plutôt favorable et soit nous remerciait, nous encourageait, nous félicitait, ou en tout cas était plutôt content qu'on sorte ces révélations, puisqu'on était content d'être éclairé sur le personnage. L'autre moitié était extrêmement virulente, voire haineuse. C'était très épidermique et vraiment sentait qu'on avait déboulonné leur idole et que c'était extrêmement compliqué à vivre pour eux. Voilà, donc on a gardé d'ailleurs beaucoup, beaucoup de ces courriers, beaucoup de ces mails. On répondait quand on pouvait. On en avait eu quelques-uns d'assez drôles, notamment un monsieur qui nous avait écrit de façon courroucée la première semaine, puis nous a réécrit la semaine suivante en nous disant qu'il était plus amplement informé des faits et que finalement, il comprenait qu'on les avait écrits et qu'il changeait complètement d'avis. Mais on a eu énormément de mails, de courriers, d'insultes et de menaces aussi, mais pas que. Est-ce que vous avez gagné des lecteurs ? Perdu des lecteurs d'un côté, gagné de l'autre, et quel est le solde ? Depuis cette affaire. Je crois que le solde doit être à peu près nul. Je pense peut-être on a gagné des lecteurs, on ne tient pas les comptes comme ça. Voilà, on en a sans doute un petit peu perdu aussi, pour quelques-uns, mais je crois que l'équilibre des forces est resté le même. Bien, Isabelle Barret, merci, on va se retrouver dans 3 minutes et on parlera encore du candidat Fillon et alors de ses faiblesses hors affaires que vous avez sorties, parce qu'il y en avait. Et on a tendance à les oublier parce qu'évidemment, on focalise sur cet épisode. Qui a d'ailleurs, j'en profite au passage pour vous poser une toute dernière question avant de souffler un peu. Est-ce que ça fera partie des grands faits d'armes de l'histoire du Canard enchaîné, à votre avis, cette affaire-là ? Peut-être, effectivement, côté d'autres affaires. Je pense que c'est une affaire qui va rester, effectivement. Il y a eu les diamants de Giscard, ouais. C'était le canard, il y a eu bien d'autres choses. Et celle-là, elle restera dans cette collection des grandes... Oui, comme d'autres affaires, comme l'affaire, je sais pas, de l'appartement d'Hervé Guémard, par exemple, qu'on oublie petit à petit, mais qui reste quand même un peu ce genre d'affaire. Voilà, je pense qu'elle ne s'oubliera pas, non. À tout à l'heure. Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler, aucun nuage de brume dans mes yeux délavés, aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. De lune aucun et demain tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au d'un autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large. Tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucun requin, aucun air triste, aucun regret, aucun séisme, aucune langue de bois. Isabelle Barret, je rappelle que vous êtes journaliste au Canard Enchaîné, que vous avez vécu vraiment de l'intérieur toutes ces révélations autour de François Fillon, puisque vous faites partie des journalistes auteurs de ces révélations. Alors aujourd'hui, tout le monde, j'imagine, pense que François Fillon a perdu à cause de son comportement, pas directement politique, mais ses revenus, sa femme, Penelope Gates, Canard Enchaîné, tout ça, bien sûr. Mais on ne va pas oublier, n'oublions pas, qu'après sa victoire assez écrasante à la primaire de la droite et de la gauche, même très convaincante, les sondages n'étaient pas terribles. Entre ce moment-là et le moment où vous sortez les affaires, il baissait. Ipsos, le 19 janvier, sort un sondage qui révèle que Marine Le Pen devance François Fillon pour la présidentielle. Après les sondages à la fin décembre 2016, je recherche dans mes notes de sondage, les voilà, 61% des Français ne veulent pas de François Fillon comme président, peut-être pour un programme social trop clivant, trop dur. Vous vous souvenez de ça, effectivement ? Oui, notamment son programme sur la sécurité sociale avait fait beaucoup jaser, puisqu'il proposait, en gros, de transférer aux assureurs privés et aux mutuelles une grosse partie de ce qui était pris en charge par la Sécu actuellement. Voilà, ce qui passait assez mal, ce qui a été très mal présenté. Il est revenu totalement sur cet aspect de son programme, au point d'ailleurs de modifier le programme qui était en ligne. Il l'a totalement retiré, ce programme, et on l'avait mis en ligne, nous, sur notre site internet au Canard Enchaîné, pour qu'il ne nous oublie pas. Cette première version du programme, qui avait fait vraiment polémique, qui avait été assez mal anticipé, je pense, dans leur camp. Et je pense qu'ils n'avaient pas vraiment anticipé une levée de bouclier pareille sur cet aspect du programme de François Fillon. Et au moment où le premier article sort, où en sont les sondages, on voit cette baisse, elle continue cette baisse. Vous vous souvenez précisément ? Précisément, oui, je pense qu'il était un petit peu en baisse. Maintenant, on sait qu'une campagne, c'est assez long. Ouais. Mais au moment où on sort l'affaire, effectivement, je me souviens pas exactement d'où il en était dans les sondages, mais il y avait eu une petite baisse de forme qui était peut-être le contre-coup de sa victoire un peu écrasante et surprenante aux primaires. Donc on s'est dit que le Penelope Gate ne l'a peut-être pas fait tomber, c'est peut-être pas ça qui l'a fait tomber. En tout cas, la différence, c'est que ça a brisé sa carrière. Parce que s'il avait été battu, on va dire sans ces affaires-là, on se serait dit, voilà, il a perdu. Vous savez, on dit toujours, les hommes politiques ne sont jamais morts. Mmh. Ouais, enfin, jusqu'à preuve du contraire, quand même. Donc là, admettons qu'il était battu, il aurait pu continuer sa carrière, mais là, avec cette histoire, sa carrière, elle a été terminée. Comme la différence. Elle a bien changé, en tout cas, sa vie, à Monsieur Fillon. Ouais. Effectivement, il a abandonné la politique parce qu'il a perdu pour des très mauvaises raisons. Effectivement, ça l'a totalement abattu. Je pense que perdre parce que on a fait campagne sur certaines valeurs et certains discours et voir que pendant la campagne tout ça est battu en brèche, c'est très compliqué après pour lui de continuer. Et puis dans son propre camp, tout le monde lui reproche de pas avoir passé la main quand même. Il a embarqué tout son camp avec lui vers la défaite. Lui n'avait rien à perdre, mais c'était le seul. Et qu'est-ce que vous en disiez, vous, à la réaction du Canard Enchaîné face à cette stratégie de jeu, non seulement je vais dans le mur, mais j'emmène tout le monde dans le mur. En gros, vous ne me soutenez pas assez, vous m'avez pas soutenu, le gouffre, eh ben, on va y aller tous ensemble. Il y avait ça, il y avait ce côté-là. Hein. Oui, je ne sais pas si c'était un goût de revanche de sa part. Je pense que c'était vraiment une façon très individualiste de mener cette campagne. C'est-à-dire qu'il s'est dit, moi, j'ai vraiment rien à perdre. Et il a eu presque eu raison. Parce qu'à la fin, finalement, au premier tour, il finit à 20% derrière Marine Le Pen qui a 21% et Macron 24%. Et ce n'est pas totalement effondré. Non, c'est vrai. Il pouvait tenter le coup. Et si Marine Le Pen face à Macron pendant le débat où elle a été très mauvaise, avait été exceptionnelle et Macron très mauvais, peut-être que ces trois candidats auraient fini dans un mouchoir de poche, peut-être que Fillon avait sa chance au deuxième tour. On ne peut pas savoir. Donc il a vraiment tenté sa chance jusqu'au bout. Et je pense qu'il faisait assez fi de ses petits camarades politiques qui, eux, en coulisses, grinçaient plus que des dents et étaient assez désespérés de la situation, mais ils n'avaient pas vraiment le choix. Certains ont sauté du train en marche, mais la plupart sont restés dans le train, en sachant très bien que ça allait être très compliqué pour eux, et surtout pour la suite après. Est-ce que... Comment dire ? Je ne veux pas dire est-ce que vous avez revu François Fillon, mais est-ce qu'il y a eu des rapports entre Canard Enchaîné et François Fillon depuis un an ? Comment ça se passe ? Non. Effectivement, il n'y a pas eu de rapport entre François Fillon et le Canard Enchaîné. Il ne répondait d'ailleurs pas directement parce que avant de sortir les deux volets sur Pénélope, on avait déjà donc sorti deux articles concernant et ce n'était pas lui qui nous répondait directement, il nous faisait répondre. Par Image 7, la société qui s'occupait de sa communication, ne répondait pas directement. Et après, les révélations non plus. Est-ce qu'il pense, lui, que le Canard Enchaîné a brisé sa carrière, que vous êtes responsable de sa mort politique ? Oui, je pense qu'il le pense. Je pense aussi qu'il... Je ne sais pas très bien s'il cherche toujours un complot ou pas, parce qu'il nous avait annoncé sur France Inter en avril 2017 qu'il avait les noms, les dates, les jours des personnes qui nous avaient fourni des documents. On avait très hâte de les connaître, parce que nous, on ne les connaît pas. Donc, vous voyez, mais il ne nous les a jamais fournis. Voilà, donc je ne sais pas si ça a été complètement une façon pour lui, un contre-feu politique de dire c'est un complot, etc. Ou s'il y croyait un peu, j'en sais rien. Mais en tout cas, non, on n'a pas de rapport avec lui directement. Toute dernière chose, c'était quoi le sentiment au sein de la rédaction du Canard Enchaîné pendant toute cette période ? Est-ce que c'était un sentiment du devoir accompli ? Est-ce qu'en même temps, il y avait une forme d'angoisse, peut-être ? Je ne sais pas, parce que enfin, les enjeux étaient forts. Les enjeux humains sont forts aussi, quand même. Non, c'est une responsabilité qu'on prend. Hein. On est un journal satirique et on manie l'humour, mais on savait très bien que ce qu'on écrivait pouvait avoir des conséquences importantes, notamment, il pouvait faire monter Marine Le Pen. Enfin, on sait très bien que la campagne était secouée par ça et on regardait pas ça avec un simple amusement. La défense de François Fillon elle-même, par exemple, c'était plutôt un sujet effectivement d'amusement, parce qu'il a eu beaucoup d'allers-retours dans sa défense. Vous savez, au début, il a dit qu'il voulait que la justice aille le plus vite possible pour faire taire la campagne de calomnie. Après, il a dit non, cette enquête est totalement illégale. Après, il a dit qu'il l'abandonnerait s'il était mis en examen. Évidemment, non, il n'a pas du tout abandonné. Donc, bon, ces allers-retours, c'était pour nous, effectivement, des sujets à commenter avec humour. Mais on n'ignorait pas la responsabilité qu'on avait. Et la dimension humaine, il y a un homme. Alors sympathique ou pas, je ne sais pas, moi je ne l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas. Enfin, il y a un homme, hein, voilà, un homme avec aussi sa sensibilité, j'imagine. Ça lui est très très dur, terrible pour lui, même s'il peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Mais est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez ça ? Vous avez pensé la dimension humaine ? Oui, je pense qu'on y pense. Notamment, on fait toujours un peu attention aux qualificatifs qu'on peut employer concernant les personnes qu'on met en cause et puis leur entourage. Là, leur entourage était directement concerné puisqu'il s'agissait de sa femme et de ses enfants. Ah oui. Voilà, donc on faisait attention de ne pas les accabler plus que par les faits. Voilà. Ouais, les faits, c'est ça. Juste les faits. Les faits. Les faits étaient accablants, mais je crois qu'on ne les accablait pas plus que ça. Ouais, d'ailleurs, c'est notre seule force légitime, hein, les faits, nous, les journalistes. Merci infiniment, Isabelle Barret, pour votre témoignage, d'être revenu sur cet épisode, qui n'est pas vieux, hein, c'est même pas un an. Même pas un an. Au revoir, merci. Au revoir, merci à vous. C'était Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui La Veste, deuxième épisode, L'élection imperdable, heureux qui communissent, une fiction écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossir et Al Nioro, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui, Pierre-Yves Dorolin et Jean-Philippe Jeanne.